sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Politique et race, en France, un mariage dangereux. Une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Soma Nina. Au départ de cette série, il y a des discriminations, des inégalités, le racisme, la République et des questionnements qui reviennent toujours, y compris quand il s'agit de comprendre l'histoire de la notion de race. Alors pour commencer, les personnages. Un philosophe des sciences, un épistémologue pédagogue, un encyclopédiste lucide, un auteur qui tranche, un chercheur qui louvoie, un biologiste qui débat, une anthropologue qui explique et une historienne qui décode. Ensuite, le décor. Une pensée raciste, des différences, le fantasme de la dégénérescence, l'eugénisme, le darwinisme et ce qu'on en a fait, le concept de race, l'esclavage, le code Napoléon, les colonies et un hymne. Aujourd'hui, deuxième épisode, on écoute un film. C'est assurément dans la forme et le grand développement des mâchoires que l'on trouve le plus de ressemblance entre cet hottentote et l'orang-outan. Cette observation n'avait pas échappé à Barrault. D'autant plus qu'en juger de la protubérance de ses fesses. En 1799, il y a un auteur de Manchester qui s'appelle White qui propose une sorte de gradation entre, disons, la forme du visage d'un Apollon grec et puis celle d'un hottentot du Cap de Bonne-Espérance. Et il dit, regardez, on peut discriminer entre les gens en fonction de leur angle facial, en quelque sorte. Voilà, de l'angle entre leur nez et leur front. Et il fait comme ça une hiérarchie et il montre que d'un côté, l'hottentot est très proche du singe et de l'autre, bien, effectivement, l'Européen est plus proche de l'Apollon grec. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans sa conclusion, il dit, attention, mon objectif, ça n'est pas du tout de justifier l'esclavage. Je suis fermement opposé à l'esclavage et je pense que tous les êtres humains ont droit à la même considération morale. Qu'est-ce qu'il nous dit par là, ce White, bien nommé? Il nous dit, les êtres humains sont différents entre eux et ça peut être intéressant d'essayer de voir ce qu'on peut dire de leurs différences. Il s'agit d'une observation à caractère scientifique. J'explique ça pour dire qu'il y a une différence entre le descriptif et le normatif. Et pour beaucoup d'auteurs qu'on appelle aujourd'hui racistes du 19e siècle, ils disaient juste qu'il y a des différences évidentes entre certains individus et on essaye juste de voir si ces différences répondent à certaines règles, si on peut déterminer certaines lois. Si on peut classer ces différences, etc. L'invention du racisme, la faute à Gobineau et pas à Darwin. Par Alain Lefkovitch et Soma Nina. Même si personne n'avait lu Nietzsche, ni même écouté Zarathoustra, tout le monde répétait sans cesse que Dieu était mort. D'ailleurs, comment pouvait-on croire en Dieu après la Shoah? Alors dans ma famille, les créationnistes de tous bords, on ne les aimait pas. Et avec eux, les Gobineau et consorts et leurs théories fumeuses sur l'inégalité des races. Nous, on était intuitivement darwiniens. On pensait, comme l'écrivait Charles Darwin dans Voyage, que partout où l'Européen porte ses pas, la mort semble poursuivre les indigènes. Que les variétés humaines semblent réagir les unes sur les autres de la même façon que les différentes espèces d'animaux, que le plus fort détruit toujours le plus faible. Un fatalisme mêlé de tristesse et de dégoût que le naturaliste britannique ne cessera de dénoncer, tandis que d'autres tentaient d'imposer la vision d'une humanité divisée en races selon une hiérarchie logique, permanente et indélébile. Chez moi, on savait où la biologisation extrême avait conduit cette humanité. Les génocides du XXe siècle nous le rappelaient régulièrement, et pourtant. Qui va être un penseur raciste? Est-ce que ça va être un penseur qui va dire les humains appartiennent à des catégories étanches les unes aux autres, des catégories hétérogènes les unes aux autres, qu'on va appeler des races, et qui ne doivent surtout pas se mélanger, par exemple? Thierry Hoquet, philosophe des sciences. Ou bien est-ce qu'on va appeler raciste des individus qui soutiennent la thèse selon laquelle il y aurait des hiérarchies entre les êtres humains. Alors, je vais faire le contraste entre cette vision monogéniste qui est celle de Darwin, c'est-à-dire l'espèce humaine est une, et d'autres visions qui seraient polygénistes. Mais Gobineau, il a imaginé on ne sait quel truc assez tordu qui part dans tous les sens. André Pichot, ancien chercheur au CNRS en épistémologie et histoire des sciences. Où il y a trois grands principes qui sont le ratio, le blanc, l'homme marron et puis l'homme noir, hein, et qui ont chacun leur qualité, on ne sait pas d'où ils viennent, hein, et c'est complètement l'opposé, on peut dire, de Darwin, puisque Darwin, c'est un peu l'évolution, entre guillemets. Mais en revanche, c'est pas du tout un progrès chez Gobineau. Chez Gobineau, il n'y a pas de progrès, il n'y a qu'une dégénérescence. Essai sur l'inégalité des races humaines. Bon, ce qui va pas, c'est d'abord, c'est un truc énorme, hein, c'est à peu près illisible, parce que ça fait quand même pas loin de 900 pages, des passages très longs, on ne comprend pas ce qu'il veut dire, et puis il s'emballe dans des tout et machins, qui fait que le livre n'a pas été lu. Ce qu'explique Gobineau au terme de ces démonstrations infinies qui n'en sont évidemment pas. Patrick Thore, linguiste, philosophe, historien des sciences, concepteur de l'Encyclopédie mondiale du darwinisme. Et qui partent de prémices erronées, ce que gagne l'inférieur au mélange ne compense pas ce qui perd le supérieur. Et ça donne la clé de toute sa théorie des races et de sa conception de l'histoire, qui est effectivement pessimiste, c'est-à-dire que Gobineau ne va pas être un prescripteur de comportements racistes, mais il va être un inspirateur. Chaque fois que vous portez une étiquette sur quelqu'un. Antoine Spire, journaliste, écrivain et éditeur. En fixant qu'il est assigné à son stock de chromosomes, assigné à sa biologie. Vous êtes du côté de Gobineau. C'est-à-dire vous êtes, au fond, vous pensez que cette fixité peut être entretenue même. Ça, c'est le racisme qui vient de Gobineau. Ça n'a rien à voir, donc, encore une fois, avec Darwin. Parce que ce que fait Darwin, lui, c'est de constater comment cette transformation de l'identité biologique est le fait du culturel. La différence entre les monogénistes qui pensent que l'espèce humaine est unique et les polygénistes qui pensent que les humains appartiennent à différentes espèces, elle est très importante parce qu'elle pose la question de la mixité, du métissage. Pour les polygénistes, un métissage, c'est une hybridation. Ouais, c'est un mélange entre deux espèces. Il y a quelque chose de monstrueux dans toute tentative de copuler entre des individus qui n'appartiendraient pas à la même race ou espèce. Voyez. Pour un monogéniste, toutes les copulations sont autorisées et ne posent aucun problème. Il ne s'agit en aucun cas d'une abâtardisation. Et pour certains monogénistes comme Buffon au XVIIIe siècle, on va dire, Buffon était convaincu que l'espèce humaine était une, qu'il y avait une forme originelle qui était blanche, ou on va dire olivâtre, mais disons que cette forme originelle, créé peut-être dans le paradis originel, mais enfin, c'est pas obligé, avait reçu différents degrés de bronzage ou de tannage au fur et à mesure que les humains avaient voyagé dans les différentes latitudes. Et donc, pour Buffon, le noir et le blanc, c'était une polarité qu'on pouvait retrouver dans toute l'espèce humaine, mais on trouvait des blancs en Asie, à Formose, on trouvait des noirs également dans certains peuples asiatiques. Vous voyez, c'était juste différents degrés de tannage. Et donc, quand des noirs et des blancs faisaient des enfants ensemble, eh bien, simplement, les noirs étaient ramenés à la couleur originelle de l'espèce qui est blanc. Voilà. D'où cette formule un peu maladroite de Buffon, qui peut choquer aujourd'hui, où il disait... Il parlait de laver les taches, vous voyez. Il disait, voilà, c'était simplement dire, pour lui, la couleur noire était accidentelle à l'espèce humaine. Voilà. elle n'était pas fondamentale, essentielle. Alors, est-ce que c'est raciste d'avoir cette position ? Pour beaucoup, oui, en fait, parce qu'on ne considère pas la personne noire comme étant une réalité authentique et pour soi. Et en même temps, il y a un profond humanisme dans cette affaire, dire « bah oui, nous pouvons coucher ensemble, nous appartenons à la même espèce, nous sommes fondamentalement les mêmes ». Donc ce monogénisme-là, concernant le métissage, il y est profondément favorable, et simplement il est jugé raciste aujourd'hui parce qu'il considère qu'il y a une forme primitive et originelle qui serait blanche. Mesdames et messieurs, la friche autochtone. L'essai sur l'inégalité des races humaines, c'est finalement la volonté de Gobineau de faire de l'histoire une science naturelle. Donc les races seraient fixes. Alors vous avez la race blanche qui a le culte de l'esprit, la race blanche qui recherche les formes les plus hautes, ça c'est comme ça qu'elle est définie par Gobineau. Ensuite vous avez la race noire sensualité, avec... quelque chose qui est la naissance des arts, parce que cette sensualité est nécessaire et indispensable à la naissance des arts. Et le génie artistique qui existe, il vient, c'est là où on voit que Gobineau c'est complexe, il vient de l'hymen entre les noirs et les blancs. C'est quand les noirs et les blancs s'allient, que se mélangent, qu'on a du génie artistique. Elle est baptisée. Ah. Extrait de la Vénus noire. Et quel est son nom de baptême ? Sarah. Sarah. Sarah, c'est ravissant. Sarah, peut-on lui toucher les cheveux ? N'ayez crainte, allez-y. Alors ? C'est drôle. Ensuite, la race jaune, c'est une intelligence pratique et unitaire. En tout cas, c'est ce qu'avance Gobineau. Et donc, Gobineau, si vous voulez, au fond, c'est assez intéressant, pense que l'espèce blanche a désormais disparu. Et qu'il n'y a que des reliquats de l'espèce blanche, puisqu'il y a ce mélange et cette, au fond, ce métissage des blancs, des noirs et des jaunes. Et pour Gobineau, on peut dire qu'au fond, le racisme est parti de races fixes, mais ensuite, ces races fixes se sont mélangées. C'est une imagination, purement imagination. Gobineau n'a jamais été quelqu'un de reconnu. Et quand pour les gens qui se réclament de Gobineau, vous leur demandez de leur expliquer le système de Gobineau avec ses trois races fondamentales et puis la dégénérescence, etc., ils seraient incapables de vous le dire parce que ça correspond absolument à rien. Gobineau, il est du côté de la dégénérescence, il se lamente de la dégénérescence, il se prétend aristocrate, mais l'aristocratie n'est plus grand-chose, surtout après Napoléon II. Mais imaginons un instant, à partir de la hiérarchie des races proposée par Gobineau et la suprématie de la race aryenne, que l'on décide que Gobineau ferait mieux d'être optimiste. Et c'est très exactement ce qu'ont fait Alexis Carrel en France, et juste après lui, René Martial, en proposant d'aller, tout en éliminant les inférieurs, aller chercher les traces du supérieur dans le plasma germinatif, les traces réactivable de l'ancienne noblesse de la souche. Voilà ce que c'est qu'un gobinisme optimiste. Et donc, effectivement, beaucoup des idéologies racistes, et le racisme ne consiste pas seulement à décréter une infériorité entre des races, mais à les décréter surtout permanentes et indéracinables, bien, et à prescrire par ailleurs des comportements en conséquence. Eh bien, dans les idéologies racistes qui ont accompagné en France à la fois la montée du nazisme et, ma foi, ses suites, comme chez Carrel et Martial, eh bien, il y a l'idée qu'on peut traiter les êtres humains comme des animaux d'élevage, et c'était le propos de la Fondation française pour l'étude des problèmes humains, la Fondation Carrel, donc, qui se proposait de bien comparer la valeur des souches, il faudra savoir comment ils voulaient le faire, et ensuite de voir s'il y avait une immigration désirable et une autre qui ne l'était pas. Donc, le reste, l'immigration indésirable, Carrel proposait de la replacer dans une situation approprié à son génie ethnique. Vous imaginez ce que signifie une telle phrase en 1942-43. Voilà, donc Gobineau, pessimiste, ne gêne pas grand monde, mais il donne des arguments aux optimistes qui partiront sur ces bases en disant que oui, la noblesse de la souche primitive peut être retrouvée, et c'est ce que voulait absolument un certain Adolf Hitler. Le maréchal ne se préoccupe pas seulement de gouverner, mais aussi de prévoir. Alexis Carrel, 1942. Et rien n'importe plus actuellement que de prévoir la destinée de la population. Or, c'est son avenir même qui est menacé actuellement, particulièrement dans la population laborieuse et dans ce qu'elle a de plus précieux, les enfants. Le maréchal entend résoudre ce problème, non seulement avec des lois et des décrets, mais aussi en s'appuyant sur des études scientifiques et des résultats expérimentaux dans le domaine tant de la biologie que de l'habitat ou de l'économie. C'est pourquoi, institué par la loi du 17 novembre 1941 et placé sous le contrôle des pouvoirs publics, la Fondation française pour l'étude des problèmes humains a été chargée par la loi du 14 janvier paru au journal officiel du 1er février 1942, de l'étude sous tous les aspects des mesures les plus propres à sauvegarder, améliorer, développer la population française dans toutes ses activités. Le livre de Carrel paraît en 1935 et en 1919, il y a un autre prix Nobel, c'est Charles Richer. Et Charles Richer dit des trucs qui sont infiniment pire que ce que dit Carrel. Carrel, c'est il est gentil à côté. Carrel, et je vais très vite, sera en 1935 l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « L'homme, c'est inconnu », qui est un manifeste pour l'eugénisme. Pensez-vous que ce soit un hasard que, en 1991, par la voix de ses représentants les plus autorisés, c'est-à-dire M. Jean-Marie Le Pen et M. Bruno Maigret à l'époque, pensez-vous que ce soit un hasard qu'il se soit autorisé tout d'un coup à redécouvrir Carrel ? Ou bien, ce qui est encore plus cocasse, à le présenter devant la France entière comme le fondateur de l'écologie ? Il s'agissait pour Monsieur Le Pen de montrer que Alexis Carrel, qui était donc membre officiellement d'un parti pro-nazi, qui a écrit « L'homme, c'est inconnu », qui est déjà compromettant en lui-même, qui est un ouvrage qui, avec une avance assez considérable d'ailleurs, proposait un établissement euthanasique pourvu des gaz appropriés pour en finir avec les existences indésirables, hein. Et il précisera dans l'édition allemande de 1936 qui sont ces indésirables, c'est-à-dire les minorités, les malades mentaux qui se sont rendus coupables d'actes criminels, etc. Alors dites-moi, vous avez écrit un livre qui s'appelle « La société pure de Darwin à Hitler ». Mm-hmm. Comment vous faites le pont entre Darwin et Hitler ? Entre Darwin et Hitler ? Ça, je n'ai jamais eu l'idée de faire le moindre rapprochement. Dans votre bouquin, la société pure de Darwin a été... Ça, d'abord, le titre, je crois, vient, s'il me semble, de l'éditeur, et pas de moi, je crois. Ça s'appelait Biologie et Société. Et c'est devenu ça. Bon, c'est comme ça. Hein. Ils voulaient ce titre-là, ils ont eu ce titre-là. Mais la question que je voulais poser, c'est pourquoi s'attaque-t-on à Carrel, qui est relativement modéré, et par rapport à Charles Richer, qui est beaucoup plus dur, qui est d'une dureté invraisemblable. Ah ben attendez, il est là. c'est ça. Voilà. La sélection humaine. Je peux vous en lire un passage si j'en trouve un. Alors là, tiens, ça tombe sur le chapitre « Les races inférieures ». Avant tout, il faudra éviter tout mélange des races humaines supérieures avec la race humaine, des races humaines inférieures. Élimination des anormaux. Après l'élimination des races inférieures, le premier pas dans la voie de la sélection, c'est l'élimination des anormaux, etc. Et c'est qu'il sort ça. Clairement, hein. Puis il passe en revue les anormaux, les races inférieures, etc. Bon, voilà ce qu'il écrivait, comparé à ce que dit Carrel en 1935. Carrel, c'est un enfant de cœur. Alors dites-moi Antoine Spire, il y a un grand débat autour de Darwin. Il était raciste, Darwin ? Non, pas du tout. Darwin n'était absolument pas raciste. Ce qui s'est passé, c'est que Spencer, qui a travaillé dans la suite de Darwin, a travaillé sur le darwinisme adapté à la société. C'est-à-dire les premiers principes, la lutte pour la vie et la loi naturelle des relations sociales. Et jamais Darwin n'avait parlé des relations sociales. Il avait parlé des relations entre les hommes et les animaux et de la succession animal-homme. Mais Spencer, lui, a fait autre chose. Il a tenté de montrer que la logique d'intégration et la logique de différenciation qui s'organisait au fur et à mesure de l'évolution des sociétés était une évolution qui faisait que des familles de nomades de plus en plus étaient amenés à se stabiliser, à se fixer dans les pays et en conséquence à rechercher une certaine homogénéité et qu'il y avait une évolution, si vous voulez, des sociétés vers plus de libéralisme d'une part et d'autre part plus de spécificité, à la fois plus d'universalisme presque et plus de spécificité enfermée dans son identité raciale. Donc pour Darwin, en fait, il n'y a pas d'espèce, il y a des individus qui sont distribués, qui sont évolués à différents degrés de civilisation. Donc Darwin, par exemple, quand il a voyagé en Patagonie, il a été assez horrifié de ce qu'il avait vu. Il a vu des individus qui allaient nus, qui pratiquaient l'anthropophagie, qui avaient des niveaux de technique assez rudimentaires. Tout ça, ça l'a repoussé en tant que victorien, si vous voulez, en tant que britannique civilisé. Il a trouvé ça horrible. En revanche, il était profondément optimiste sur la capacité qu'avaient ces individus à progresser, à acquérir le langage, les mœurs, la civilisation, à rejoindre le groupe des individus les plus avancés. Donc, ce sont des idées qu'aujourd'hui, on trouve assez répugnantes parce que colonialistes, en quelque sorte, niant les peuples autochtones dans leur diversité et voulant à toute force les convertir à un modèle qui serait le modèle européen. Ce que Darwin va théoriser, lui, c'est effectivement cette fraternité qui unit tous les êtres humains de la Terre. Et il en est tellement conscient, et c'est tellement son éthique, que on va trouver dans l'intégralité de son œuvre anthropologique, c'est-à-dire bien sûr essentiellement dans la filiation de l'homme, des passages extrêmement violents contre les sauvages policés, c'est-à-dire les Anglais, ses contemporains et ses compatriotes, qui peuvent encore défendre le principe de l'esclavage. Écoutez, je vais vous lire simplement un passage que je trouve absolument fondamental et qu'il faudrait faire lire peut-être à Monsieur Pichon, qui doit quand même le connaître, mais qui ne veut pas peut-être en tenir compte. À mesure que l'homme avance en civilisation et que les petites tribus se réunissent en communautés plus larges, la plus simple raison devrait aviser chaque individu qu'il doit étendre ses instincts sociaux et ses sympathies à tous les membres d'une même nation, même s'ils lui sont personnellement inconnus. Une fois ce point atteint, Il n'y a plus qu'une barrière artificielle pour empêcher ses sympathies de s'étendre aux hommes de toutes les nations et de toutes les races. Il est vrai que si ces hommes sont séparés de lui par de grandes différences d'apparence extérieure ou d'habitude, l'expérience, malheureusement, nous montre combien le temps est long avant que nous les regardions comme nos semblables. Alors, dites-moi, je reviens à votre livre « La société pure » de Darwin à Hitler. Pourquoi il remet Darwin dans la course ? Mais moi, j'ai remis Darwin dans la course, mais j'ai remis Darwin les textes darwiniens. C'est essentiellement ça. Hein, plus qu'autre chose. Moi, Darwin, c'est quelqu'un dont on ne peut rien dire. C'est quelqu'un qui a copié un facsimile, c'est un facsimile de la dissertation de Townsend, qui a servi également à Malthus. Hein, c'est tout. Il était moins raciste que ses contemporains. Thomas Durand, écrivain, biologiste, cofondateur de l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique. Donc on a l'histoire des gènes, on a l'histoire du fait qu'il y a une plus grande variabilité intra-groupe que inter-groupe. C'est-à-dire que quand on prend deux personnes françaises, oui, ils se ressemblent, mais leur différence entre eux est quand même très grande quand on compare aux différences entre tous les Français et tous les Africains. Par exemple, l'Afrique n'est pas un pays, mais je fais un gros package parce que je ne les connais pas bien, et donc c'est un biais raciste. Donc quand on compare ça... On se rend compte que la diversité humaine, elle est très très très grande, y compris dans les petits groupes où on a l'impression que les gens se ressemblent. Darwin, ça l'ignorait totalement, ou en tout cas en partie. Et donc la biologie moléculaire, la génétique des populations, l'histoire, l'archéologie, tout ça, c'est des choses qui nous aident maintenant et qu'on devrait peut-être plus vulgariser, plus enseigner pour que les gens comprennent mieux pourquoi le racisme n'a pas vraiment de sens. Il n'y a pas d'argument solide pour étayer c'est quoi le racisme ? Il me semble que c'est penser qu'il y a des races différentes et qu'à cause de ces différences-là, on doit traiter les gens différemment. Parce qu'il y aurait des capacités différentes et donc il y aurait des droits naturels qui seraient différents. Quand on connaît la biologie, ça ne tient pas tellement. La race n'est pas un groupe robuste, ça ne tient pas. Ce n'est pas utile pour classer les êtres vivants. Donc si ce n'est pas utile, il ne faut pas l'utiliser. Tout ce que on raconte aujourd'hui sur Darwin, sur l'histoire du racisme, sur Buffon, sur Gobineau, sur tous ces auteurs des 18e, 19e siècle, quand on est à la recherche des origines du racisme contemporain, en fait, toute cette histoire, elle est téléologiquement orientée. C'est-à-dire, il y a un but. Pendant longtemps, on a essayé de comprendre comment on en était arrivé au nazisme, au camp de concentration, à l'extermination de certains peuples d'Europe et également aux méfaits de la colonisation. Donc, c'est ça qu'on essaye de comprendre quand on se retourne vers le passé en essayant de voir qui a commencé cette histoire. En fait, le racisme, il commence au moment où les scientifiques se mettent à tout classer. Evelyne Heyer, biologiste, professeure en anthropologie génétique. Ils classent la nature, donc on connaît l'inné qui va classer les plantes et les animaux. Et devant la diversité humaine, les scientifiques se mettent à classer cette diversité et à définir ce qu'ils appellent les races. Alors jusque-là, il n'y aurait pas de problème, c'est-à-dire on décrit de la diversité. Mais dès le début, il y a deux autres facteurs qui sont mis en place tout de suite. Il y a la hiérarchie. C'est-à-dire on considère que certains groupes sont supérieurs à d'autres. Comme c'est des définitions qui viennent de l'Europe et qu'on est dans une époque coloniale, on met bien sûr la race blanche au-dessus des autres. Premier problème. Et deuxième problème, c'est ce qu'on appelle l'essentialisation. C'est-à-dire on réduit les individus à leur appartenance au groupe, leur essence. C'est le moment où vous avez des phrases qui sont sorties, les noirs sont indolents, les jaunes sont industrieux et les blancs, bien sûr, sont extraordinaires. On projette sur des discours, alors je vais mettre scientifiques entre guillemets, des discours pseudo-biologiques ou à vocation biologique sur les êtres humains, mais qui sont aussi des discours ethnographiques sur simplement la différence entre les humains. On projette sur tous ces discours-là, qui sont en un sens descriptifs, toute une histoire européenne qui est une histoire de l'exploitation politique de ces discours racistes, si vous voulez. Alors le mot race, il existe, il désigne par exemple la race noble, hein, les lignées nobles, il désigne à partir du XVIIIe siècle les races animales, quand on se penche sur les questions d'élevage, en agronomie, etc. Mais il n'y a pas besoin de ce mot en réalité, puisque à la place il y a l'esclavage. C'est donc une réalité politique, une réflexion politique, qui repose sur l'idée de distinction au sein de l'humanité, au moment justement où on conçoit l'humanité comme un ensemble homogène. Aurélia Michel, historienne. Donc à l'intérieur de cette homogénéité, il faut recréer politiquement, disons, des catégories. On va se demander qu'est-ce qu'une race, comment ça marche, quelles sont les différences entre les races, etc. Donc effectivement, il y a toute une activité scientifique autour de cette notion. Et cette activité scientifique, elle est directement liée à l'entreprise de colonisation. Où d'une part, les coloniaux, ceux qui font les expéditions, vont venir faire des rapports sur les populations qu'ils rencontrent, etc. Et d'autre part, les savants vont alimenter la politique coloniale en essayant de comprendre comment fonctionnent les ethnies, les groupes, les telle ou telle race, et finalement d'organiser, grâce à cette connaissance des races, la gestion des populations coloniales. Eh bien, c'est justement là où est énoncé le principe de la liberté universelle, de l'égalité universelle, que cet énoncé soulève un paradoxe. Et c'est en particulier le cas pour la France et pour les États-Unis, hein, qui sont les deux sièges des deux grandes révolutions démocratiques de la fin du XVIIIe, et justement des sociétés où l'esclavage a une place très importante dans l'économie. Donc il y a une confrontation, un paradoxe qui se crée à ce moment-là entre l'idée d'égalité, qui va devenir la manière dont on organise le politique, hein, l'État, le droit, etc., et puis la réalité de l'esclavage, qui est une réalité extrêmement violente, où pour le monde des planteurs et tout ce qui va autour, disons, c'est extrêmement compliqué d'imaginer que les nègres, que les esclaves deviendront ou intégreront cette égalité ou cette liberté universelle. On parle à ce moment-là de race. C'est ce mot-là qui va être petit à petit utilisé à côté de nations, de peuples, de groupes humains pour faire exister, disons, des catégories qui n'existaient pas avant l'abolition de l'esclavage, enfin au moment de, avant l'expérience atlantique plutôt, et qui sont par exemple la catégorie de blanc. Dès lors que on utilise le terme de race pour classer les groupes humains, on prolonge en fait une distinction qui s'est établie dans les colonies, dans un monde esclavagiste, pour distinguer justement le blanc du nègre. L'identification raciale, ethno-raciale des individus, elle est nécessaire au fonctionnement de la démocratie américaine. Pauline Peretz, maître de conférence en histoire contemporaine. Selon que vous êtes blanc ou noir, votre existence n'a strictement rien à voir. Vous fréquentez pas les mêmes écoles, vous êtes ou non accepté dans un hôpital, vous avez le droit d'aller au cinéma, vous avez le droit d'aller à la piscine, enfin, ou à la piscine de tout le monde et pas seulement la piscine des noirs, etc. Donc cette ségrégation va conduire à une réplication, à un doublement des institutions et des lieux destinés aux Noirs pour que la société blanche puisse maintenir les frontières entre les deux groupes hermétiquement closes. La quintessence de ce que vous dites, c'est l'existence, la coexistence d'une église noire et d'une église blanche. Oui, par exemple, c'est vrai que c'est quelque chose de particulièrement marquant. En même temps, les cultes qui vont se développer, les façons de pratiquer la foi vont être très différents. Et ces églises sont finalement seulement un exemple de lieu dans lequel, en fait, la sociabilité, la respectabilité noire va se construire à travers l'histoire africaine-américaine. On va voir, hein, à partir des années 1870-1880, un début de bourgeoisie noire naître et qui va veiller à cultiver, à créer des lieux de sociabilité noire, qui sont un peu les pendants hein, des lieux de sociabilité blanche, dans lesquels il va y avoir une forme d'ascension sociale possible pour les Noirs, et aussi une forme de construction d'entre-soi qui doit permettre de développer la fierté du groupe, de développer la culture du groupe, de développer aussi un entre-soi qui renforce la capacité de résistance politique. Le code Napoléon, lorsqu'il s'applique dans les colonies françaises, qui sont aux Antilles encore, il énonce que toutes les règles qui s'appliquent sur le territoire français vont s'appliquer de manière différenciée dans les colonies antillaises. Le code civil napoléonien, eh bien, c'est le premier texte, finalement, qui va enregistrer la notion de race et lui donner son contenu légal, enfin un contenu légal. Le code de la famille, par exemple, hein, ou de la succession. Les blancs héritent entre eux, se marient entre eux, etc. Et les non-blancs, de la même manière, mais à part. Alors ça, c'est comment, finalement, Napoléon, qui est un colonialiste, hein, qui a lui-même des intérêts hein, dans la plantation atlantique, enregistre, finalement, la Révolution et l'accommode pour, en fait, poursuivre cette idée d'inégalité radicale entre l'esclave et le libre. Et on peut dire que c'est la même manière que la Troisième République, hein, qui va effectivement élaborer un projet plus ample, plus démocratique, fondé sur de grands principes de justice, etc., comme par exemple l'éducation nationale, gratuite et laïque, et en même temps porter à son plus haut niveau le principe que l'on a expliqué auparavant, c'est-à-dire la civilisation des races inférieures. C'est pour ça que Jules Ferry, qui est donc le grand promoteur de l'école républicaine et que l'on défend beaucoup aujourd'hui, c'est effectivement le même qui défend aussi le projet de colonisation de l'Afrique. On peut dire que les grands principes politiques, que ce soit les droits de l'homme, enfin l'égalité, la liberté, même la République, ce sont des concepts qui se sont élaborés, qui ont été, disons, la structure d'organisation du politique dans un contexte esclavagiste et colonialiste. Moi, je crois que dans ma génération, on était accoutumé à penser donc un monde où il n'y avait pas de différence entre les individus. Manifestement, cette stratégie n'a pas fonctionné, en fait. Il y a eu des déclarations récentes Camélia Jordana qui disait que la France était un pays raciste et qu'elle devait affronter son passé et le phénomène de la colonisation. Et à la suite de ça, très ironiquement, il y a eu sur les réseaux sociaux une sorte de mouvement d'extrême droite qui disait « Ah oui, en effet, Camélia Jordana veut qu'on parle de la colonisation, elle veut sans doute parler de la colonisation qui a lieu en ce moment relativement aux anciens colonisés qui colonisent la France. » Le mot « colonisation », en quelque sorte, il est utilisé d'une part, par les enfants ou les petits-enfants des personnes issues des pays anciennement colonisés par la France. Et puis, il est utilisé également par l'extrême droite pour désigner les processus d'immigration qui ont lieu en France. Donc, on aurait deux mouvements de colonisation. Lorsque les combattants de l'indépendance africaine se battaient sous la colonisation, c'était pour l'égalité des droits, l'égalité des diplômes, de la reconnaissance des diplômes, faire qu'il n'y ait plus un cadre indigène et un cadre, etc. Bon, ça c'était une véritable lutte qui a été radicalisée sur un mode quasiment folklorique par la génération suivante, qui elle n'a souffert de rien, a conquis les avantages d'une langue et d'une culture qui lui permet aujourd'hui d'avoir une influence internationale, ou en tout cas de vivre dans le cadre mondial sans trop de difficultés, la colonisation a eu lieu. Elle était certainement scandaleuse, mais c'est un fait historique à partir duquel vous devez vous construire, sans vouloir le nier et revenir à une antériorité fictive qui, de toute façon, vous mettrait maintenant en état de totale infériorité. Ce qu'on appelle le racisme aujourd'hui en France, c'est une sorte de rancœur postcoloniale dans laquelle les uns, quoique nés en France, se décrivent comme les héritiers de cette colonisation, les héritiers des anciens peuples colonisés, alors qu'ils n'ont pas connu la colonisation dans leur vie propre, hein. Ils sont nés bien après. Mais donc les uns se décrivent comme les héritiers des colonisés et les autres se vivent comme des néocolonisés ou des victimes d'une revanche décolonisée, en quelque sorte. C'est cette confrontation-là qui définit la situation du racialisme en France aujourd'hui. C'est pas la théorie de Buffon, celle de Gobineau, celle de Darwin, tout ça, ce sont des fantasmes du 19e siècle ou du 18e siècle qui sont en quelque sorte caduques pour nous, hein. Le mot même de citoyen, hein, l'idée même de citoyen, en fait, c'est une construction qui se fait en référence à l'esclavage. Le mot libre renvoie en fait à une condition esclave. On peut dire que le citoyen, c'est l'anti-esclave. C'est l'anti-esclave et il y a un aller-retour permanent, conceptuel, entre ces deux pôles, disons, qui serait la modernité politique, l'individualité libérale, etc., et l'esclave, le colonisé, l'indigène, et dans la société, dans une société actuelle où il n'y a plus ces termes légaux à disposition, eh bien, le noir, l'arabe, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément dans notre inconscient politique, c'est notre système même politique. Alors évidemment, le but du mouvement démocratique, de la dynamique démocratique, c'est d'aller au bout de l'égalité. Mais ça, c'est depuis en tout cas la fin du 18e, ça se fait en contre-coup, enfin en aller-retour, disons, avec cette figure de l'esclave. Et donc c'est pas de la faute du concept lui-même, hein, c'est la faute de la société qui l'a porté et qui continue de le faire aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, on n'est pas encore au bout de cette égalité. Les luttes aux États-Unis, c'est que les catégories deviennent égales, mais c'est pas forcément de supprimer les catégories. Alors qu'en France, avec notre vision universaliste, notre objectif, ce serait de supprimer les catégories. L'idée des catégories, c'est que au-delà de votre apparence physique, ça déterminerait d'autres choses dans votre place dans la société. C'est l'idée que à cette couleur de peau ou à cette religion, on vous assignerait une place dans la société d'où vous ne pouvez pas sortir. Néanmoins, quand on discute avec ces jeunes dans certains quartiers difficiles, ils vous disent « oui, on est français sur le papier, mais clairement, on n'a pas le sentiment que la République nous laisse une place dans cette société, on n'a pas le sentiment d'appartenir à cette société ». Alors, la lecture française de ça, on peut en faire une lecture sociale aussi. On peut dire que ce n'est pas dû à la couleur de peau des gens, mais c'est tout simplement dû à des conditions sociales. Et que ces conditions sociales, il faut les améliorer. Et c'est vrai que c'est plutôt ça, la pensée française. C'est qu'une bonne partie des discriminations sont plutôt des facteurs sociaux sur lesquels on peut agir en tant qu'État pour empêcher ces discriminations. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'au-delà du social, il y a de la discrimination en fonction de l'apparence physique ou en fonction de la présupposée religion que pratiquerait un individu. Donc on voit qu'il y a les deux discriminations qui jouent ensemble. Que de résumer les discriminations à facteurs sociaux, on n'arrive pas à épuiser, entre guillemets, tous les facteurs de discrimination. Il y en a qui restent et c'est contre ces facteurs-là aussi qu'il faut lutter. C'est pas normal que quelqu'un, en fonction de sa couleur de peau, il puisse louer ou non un appartement. Enfin, c'est complètement aberrant. Alors, c'est bien qu'il y ait des mouvements qui disent, regardez, en fonction de ma couleur de peau, on me loue pas un appartement, pour que les gens, s'ils ont des biais, on dit implicites, puissent s'en rendre compte et se dire, mais oui, cette personne-là, elle a aussi bon dossier que l'autre, j'ai pas de raison de l'écarter. Tous ceux qui disent qu'on a substitué la lutte, c'est substitué à la lutte des classes, à la lutte des races, vous vous dites non, on est toujours dans une lutte des classes. Alors là encore, je vais revenir à l'histoire. Si on réfléchit à cette institution, l'esclavage, et ça c'est un anthropologue qui est Claude Meillassou qui a très bien analysé ce procédé, disons. Mettre quelqu'un en esclavage, c'est l'exclure en fait du groupe, l'exclure de toute appartenance sociale, toute identité civique, sociale, toute inscription dans le social, en fait, pour en aliéner des qualités humaines. Et donc, l'esclave, dit Meillassou, c'est un producteur pour autrui. Hein. Et cette distinction fondamentale, eh bien, c'est la condition pour aliéner le travail. Hein. C'est comme ça que le travail va être séparé de la personne, séparé de tout ce qui le fait être social, pour eh bien justement se l'approprier, se l'échanger, le transférer, le stocker, même le financiariser, etc. Et précisément la discussion sur l'abolition et en fait l'arrivée de l'économie industrielle, parce que finalement c'est tout à fait imbriqué, dans cette discussion. On comparait, disons, le coût du travail esclave avec le coût du travail dit libre. Le travail libre, qu'est-ce que c'est ? C'est un travail également dissocié de la personne, dissocié de toute inscription sociale, et qui est rémunéré comme tel. Hein. En fait, il y a une abstraction dans le travail salarié qui n'a pas été possible de faire sans l'esclavage. C'est-à-dire que c'est l'esclavage qui permet de penser le travail libre et qui permet de penser le salariat. Si on a une lecture en termes de rapport de classe, il y a effectivement une distinction de statut qui est importante, évidemment, entre l'esclave et le salarié. Mais économiquement, dans les rapports de production, la différence n'est pas si énorme. Alors le problème, c'est que aujourd'hui, quand on dit il n'y a pas de race, il n'y a que des classes, en fait, c'est une manière de nier la réalité de la race et la singularité de cette violence qui est tout à fait spécifique parce que justement c'est un stigmate qui renvoie à la non-appartenance au groupe, à la non-appartenance à la parenté, à la non-humanité radicale de celui qui va être touché par ce stigmate. Aujourd'hui on a un retour de la race qui est un retour, on va dire, du concept social de race. Mais pour les gens de ma génération, c'est très surprenant parce que, en fait, on nous a appris à proscrire le concept de race. Je sortir de notre vocabulaire parce qu'il n'y a pas de différence selon les races. Donc aujourd'hui, ce concept social de race, il est très difficile à comprendre parce qu'il il fonctionne à partir de catégories qui sont de toute nécessité grossières, en fait. Il y a les blancs et puis les noirs. Enfin, mais... Si vous êtes juif, alors vous êtes de quel côté ? Si vous êtes issu d'une famille juive pied-noir, par exemple, vous êtes noir ou blanc ? Vous êtes obligé de choisir votre camp en tout ça ? Et tous les individus sont-ils nécessairement définis uniquement parmi leur couleur de peau ? Si vous êtes métisse, par exemple, êtes-vous sommé de vous situer entre noir et blanc ? Enfin, ce sont des problèmes concrets que rencontrent les individus. Et en France, on était accoutumé à se penser à l'écart de ces problèmes-là. La richesse de la République française, c'est d'avoir toujours été aveugle aux couleurs des individus. Disons que quand on regarde comment un cerveau humain est fait, le racisme devient, alors attention, logique. C'est pas étonnant que les gens soient racistes, parce que les gens sont chauvins, les gens préfèrent leur famille, et donc on a le biais dans nos groupes. On fait plus confiance à des gens qui nous ressemblent, parce que les gens qui nous ressemblent, on peut détecter chez eux tous les signaux d'honnêteté. Les gens qui sont différents de nous, on est plus embêté pour détecter les signaux d'honnêteté. Donc on va, par défaut, se dire « je vais pas faire confiance d'emblée, et puis tu vas attendre un petit peu ». Donc quand on généralise tout ça à des comportements sur la durée d'une vie, c'est pas étonnant, même si c'est dommage, parce que ça fait plein d'erreurs par ailleurs, que les gens préfèrent avoir du commerce, avoir des interactions avec des gens qui leur ressemblent, plutôt qu'avec des gens qui leur ressemblent pas. Il faut apprendre à connaître les gens. Donc une plus grande mixité sociale, alors, raciale entre guillemets, plus on connaît des gens différents de nous, plus on se rend compte qu'ils nous ressemblent en fait. Donc quand on comprend ça, en fait, les racistes sont pas des gens méchants, c'est des gens qui ne comprennent pas à quel point ils ne savent pas ce que c'est qu'être un humain. En fait, c'est l'effet de Dunning-Kruger. C'est-à-dire que quand on est très ignorant de quelque chose, on est trop ignorant pour savoir qu'on est ignorant. Quand on est raciste, c'est pour des raisons qu'on ignore, bien souvent. Et d'ailleurs, on va chercher des raisons pour justifier pourquoi j'ai raison d'être raciste. Et on en trouve, parce qu'il y a plein de récits disponibles pour se conforter. Mais n'empêche que ça ne veut pas dire qu'on a trouvé la bonne raison. Et la bonne raison, elle est plus souvent psychologique, sociologique, peut-être même biologique. Alors Antoine Speer, est-ce qu'on peut dire que ce sont les idées de Gobineau qui ont triomphé en France ? Ce n'est pas les idées de Gobineau, c'est le point de départ de Gobineau qui a triomphé. Le point de départ, c'est-à-dire le moment où on fixe et on croit qu'est fixé une fois pour toutes le donné biologique de quelqu'un et que ce donné biologique le signifie. Ce donné biologique est le point de départ de ce qu'il est. Quand vous êtes en train de conquérir un pays ou nouveau, qui n'a pas le même niveau de développement, vous avez tendance à justifier votre domination par des raisonnements du type de celui de Gobineau. C'est-à-dire, c'est parce que nous sommes les meilleurs que nous gagnons. C'est toujours comme ça. Quand les gens gagnent quelque chose, ils disent c'est parce qu'on est les meilleurs, sans voir que c'est le niveau de développement, l'histoire atteinte. C'est ça qui a poussé sans doute les idées de Gobineau à être si fortes pendant tout le XXe siècle et encore aujourd'hui au XXIe. Alors que les idées des Lumières et le progrès, c'est une réflexion sur l'universalisme qui demande, me semble-t-il, une très grande imagination. Parce que dire qu'on est universaliste, quand on voit les différences qui existent dans la réalité, c'est souvent difficile. C'est comme si la réalité vous renvoyait à la figure les strates qu'il y a dans chaque société, comme si, si vous voulez, d'une certaine façon, on ne peut pas trouver facilement des justifications à la domination. Et pour trouver des justifications à la domination, c'est beaucoup plus simple de dire nous sommes plus beaux, meilleurs, etc., que de dire c'est l'universalisme qui est battu en brèche, qui est mis en question par une histoire dont on doit assumer les errements et quelquefois les difficultés de développement qu'elle a connues. L'invention du racisme, la faute à Gobineau et pas à Darwin. Avec Antoine Speer, Patrick Thor, André Pichot, Thomas Durand, Aurélia Michel, Thierry Hoquet, Evelyne Heyer et Pauline Peretz. L'invention du racisme, la faute à Gobineau et pas à Darwin. Réalisation Somanina, mixage Éric Boisset, merci à Swad Boukorsa, archivina Anne Delaveau, coordination Marie-Vonne Abolivier et Perrine Kervran.